Cultive tes goûts. Cultive tes émission de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va être ensemble pour la prochaine heure. Donc, encore une fois, je vous propose une sélection de musique gratuite, de musique que vous pouvez télécharger. La plupart du temps, c'est avec une licence Creative Commons. Donc, c'est une licence qui permet aux artistes de partager la musique, qui exprime clairement qu'est-ce qu'on peut faire avec la musique. Donc, je vous invite à la télécharger, la partager avec vos amis, vos collègues, avec tout le monde. C'est là pour ça. Donc, vous avez juste à visiter la page de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Vous allez avoir la playlist et les liens qu'il faut pour télécharger toute cette bonne musique. Cette semaine, on va débuter avec une compilation du netlabel Dead Bees Records. Donc, la compilation s'appelle Dead Bees Records Label Sampler No. 9. C'est sorti en 2010. Deux pièces vraiment excellentes. La première est par le groupe Cobson. La pièce s'appelle Rubbish. Je l'ai écouté à répétition cette semaine. C'est vraiment bon. Ensuite de ça, c'est Ace Parade avec la pièce Cut and Clear. Donc, pour tout de suite, on écoute Cobson. Bye. De la ville de Oslo en Norvège, c'était Ace Parade avec leur pièce Cut and Clear. C'était publié sur Dead Beast Records, sur le même label. Avant ça, c'était Cobson, un groupe qui vient de Montpellier en France, avec leur pièce Rubbish. Donc, deux pièces tirées de la compilation Dead Beast Records Label Sampler No. 9. Donc, sur l'excellent Dead Beast Records. Pour poursuivre Web Music, cette fois-ci, c'est un artiste qui publie sur Panospria. C'est un net label qui a été fondé, je crois, en 2007, ou plutôt qui a été incorporé à NoType en 2007. Donc, un net label assez intéressant, des trucs vraiment variés. Je vais passer la pièce 13 Audio Knuckles de Joshua Treble. Ensuite de ça, sur Dorog Records, c'est un net label qui vient du Pérou. Je vous fais passer le groupe péruvien Area 7. Donc, c'est toutes des jolies demoiselles qui composent le groupe. C'est à tendance métal, donc assez intéressant. Je vous fais passer leur pièce Ni Mejor ni Peor. Donc, pour tout de suite, à Web Music, on écoute Joshua Treble. Thank you. De la ville de Lima au Pérou, c'était Area 7 avec leur pièce Ni Mejor Ni Peor. Donc, c'était publié sur Dorog Records, un net label à découvrir qui vient du Pérou. Pour poursuivre web musique, on va se diriger cette fois-ci du côté de la ville de Cologne en Allemagne. Il s'agit de Lotus Feed avec leur pièce Room With a View. C'est publié sur l'excellent netlabel AF Music, qui sont vraiment, mais vraiment très actifs. Ils ont beaucoup d'albums à leur actif. Donc, je vous invite à aller faire un tour du côté de AF Music. Beaucoup de musique à tendance gothique, dark wave, des fois metal. Donc, toutes sortes de trucs assez intéressants. Ensuite de ça, sur Thornflesh Records, c'est un netlabel qui vient de la ville de Portland, en Oregon. Ils ont plusieurs trucs à tendance vraiment ultra brutale. Donc, ils ont des compilations vraiment intéressantes d'artistes complètement déments, souvent dans le style grindcore, death metal, donc des trucs dans ce genre-là. Je vais vous faire écouter un groupe qui vient du Royaume-Uni qui s'appelle 12 Bar. Je vous fais passer la pièce Beg, Borrow and Steal. Donc, deux pièces vraiment excellentes. Donc, on débute avec Lotus Feed. We'll be right back. année, le Bal du Lézard poursuit sa mission de faire découvrir au public des artistes et groupes de la relève. Le tout dans l'environnement unique du bal et devant une clientèle qui a soif de nouveaux sons, tout genre confondu. À ne pas manquer en février, le 5, la pop franco de Jean-François Lessard. Le 12, la formation folk indie Around Joshua. Le 19, The Jack Ross Project. Et le 26, le country folk rock de la formation Tire le Coyote. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue. Tous les jours de la semaine, de 10h30 à midi, la boîte à pain Café Napoli vous présente l'émission Univers francophone sur les ondes de CKRL. Une matinée bercée par la meilleure musique d'expression française, à l'image de l'ambiance chaleureuse et décontractée qui règne à la boîte à pain Café Napoli. Réputée pour la qualité de son pain de fabrication artisanale et ses pizzas cuites au four à bois. On vous propose aussi un merveilleux menu santé que vous pourrez emporter ou manger sur place. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue et 289 Saint-Joseph-Est, 88-647-3666 ou le 88-977-7571. Boîte à pain.com. Cultive tes goûts. Retour à Web Music. Vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Avant la pause, on entendait le groupe qui vient du Royaume-Uni. Le groupe s'appelle 12 Bar. C'était la pièce Beg, Borrow and Steal. C'était publié sur Thornflesh Records, un excellent net label qui vient de Portland, Oregon. Pour poursuivre l'émission, on va se diriger du côté de l'Indonésie, de la ville de Jakarta plus précisément. C'est le groupe The Upstairs. Je vous fais passer la pièce. Et mon Dieu! Kampuang Nan John Dimato, c'est en indonésien, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Ensuite de ça, c'est publié sur D-Trash Records, un peu de digital hardcore. On va entendre Ecstatic avec la pièce Brainless, Ecstatic qui vient de Londres. Donc pour tout de suite, on écoute The Upstairs. We'll be right back.

un peu de digital hardcore assez décapant. Donc, c'était le groupe, plutôt l'artiste Ecstatic, un groupe qui vient de Londres. C'était la pièce Brainless. C'était publié sur le netlabel canadien D-Trash Records, donc un netlabel qui existe depuis quand même 98, qui a des ramifications internationales. Il se spécialise surtout dans le digital hardcore, donc si vous aimez ce style, ben allez faire un tour sur leur site, ça vaut vraiment, mais vraiment la peine. Donc, ben c'est ça, avant ça, c'était le groupe de Jakarta en Indonésie. Le groupe s'appelle The Upstairs. La pièce s'appelle, excusez mon indonésien, la pièce s'appelle Kampuang Nanjo Dimato. Donc, c'était publié ça sur Yes No Wave Music. Donc, ben c'est ça pour poursuivre Web Music. On va écouter une pièce tirée de la compilation Music for Danny DeVito. C'est une compilation qui a été faite par Mix Galaxy Records. Ils se sont amusés à faire une compilation qui est adressée donc à l'acteur Danny DeVito. Comme ils n'ont absolument aucune idée de quel genre de musique il peut écouter, donc ils ont fait une compilation vraiment variée. Puis, ils espèrent que ça se rende, à l'artiste. Donc, c'est ça bande de troubadours à Mix Galaxy Records. Je vous fais passer le groupe russe Gepa avec la pièce Mad Electric Dog. Ensuite de ça, sur l'excellent netlabel Sociopath Recordings, je vous fais passer une pièce assez spéciale. C'est dans le style gypsycore, jungle, donc mashup aussi. C'est deux artistes, donc le premier s'appelle Fexomat qui vient de Berlin. Puis il y a aussi Sumone qui vient du Maryland. Donc, je vous fais passer une pièce vraiment spéciale qui s'appelle Golden Days Remix. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Téléchargez l'album, ça vaut vraiment la peine. C'est complètement pété. Musique gitane mélangée avec de l'électronique, vraiment bon. Donc, ben pour tout de suite, à Web Music, on écoute Gepa qui vient de la Russie. Thank you. un heureux mélange de gypsy core, jungle, un peu tendance mash-up aussi. Donc, c'était Fexomat and Summoné, la pièce Golden Days Remix. C'était sur l'excellente compilation Need Some Folk sur Sociopath Recordings. Donc, une compilation vraiment qui sort de l'ordinaire. Je pense qu'il me reste deux pièces. Ouais, c'est ça. Il me reste deux pièces pour terminer l'émission, mais j'ai absolument aucune idée des deux pièces que j'ai choisies pour vous. Donc, allez donc voir un petit peu plus tard sur le site de l'émission au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que je fais passer. Je vais mettre ça à jour bientôt. Donc, on va se quitter sur ces deux pièces-là. Ensuite de ça, ben, c'est le Dr Franco qui prend les ondes de CKRL. Donc, restez à l'écoute. Puis, ben c'est ça, je vous souhaite une bonne semaine sur les ondes de CKRL.